sa harangue et ses promesses à ses soldats. Quand l'armée eut ainsi passé le fleuve, César fit paraître les tribuns du peuple qui, chassés de Rome, étaient venus dans son camp. Alors il harangua ses troupes assemblées et invoqua leur fidélité, en pleurant et en déchirant ses vêtements sur sa poitrine. On crut aussi qu'il avait promis à chaque soldat le sens de l'ordre équestre. Mais ce qui donna lieu à cette erreur, c'est que dans la chaleur du discours, il montra souvent le doigt annulaire de sa main gauche, protestant qu'il était prêt à donner tout, jusqu'à son anneau, pour ceux qui défendraient sa dignité, en sorte que les derniers rangs, plus à portée de voir que d'entendre, prêtèrent à ce geste une signification qu'il n'avait point. Et le bruit ne tarda pas à se répandre que César avait promis à ses soldats le droit de porter un anneau et les revenus des chevaliers, c'est-à-dire 400 000 sesterces.